Shop Shubi Dubi Wap Wap. Shop Shubi Dubi Wap Wap Wap. My love, yeah. Yeah man against a lover. Full him day. My name is like one gangale, yeah. For my girl, excusez-moi d'avance si mes mots te blessent. J'ai voulu d'un amour solide faire de notre cunion une forteresse. Mais tu fléchis les jambes à chaque fois qu'un obstacle se dresse. Y'a pas de chimie entre nous donc je préfère qu'on arrête de croire que le temps réglera nos problèmes, nos différends. Ouais tiré là ça fera nos jeux d'aide. Je ne cherche pas à qui la faute. Je sais que l'on s'aime, l'amour ne suffit pas si on ne récolte que ce que l'on sème. Excuse-moi si je n'ai pas su t'aimer, te combler au contraire je t'ai déçu. Sache que je t'en veux pas si tu n'as pas cru en moi. En moi, excuse-moi si je n'ai pas su t'aimer, te combler aussi. Au contraire, je t'ai déçu. Sache que je t'en veux pas si tu n'as pas cru en moi. En moi, et si c'est vrai que l'amour se construit, ta jalousie a jeté des pierres sur ce que la veille j'ai bâti. Et tu seul sais que pour te changer, je me suis battu. Mais tu me harcèles de reproche à voir quand tu n'as pas vu. Qui t'a fait partir, t'es d'un côté, t'es zéro. Je t'ai laissé pardonner, même d'avoir assassiné l'amour qu'on avait procuré. Mon amour, ou si au contraire je t'ai déçu. Entre toi et moi, on l'a vécu, on l'a vu. Ça ne marche pas, non. Excuse-moi si je n'ai pas su te montrer mon amour, ou si au contraire je t'ai déçu. Entre toi et moi, on l'a vécu, on l'a vu. Ça ne marche pas. Le savoir est une arme par amour, je t'ai épargné. Mes manières de manier les mots, pas lié à ton instabilité. Te reprocher importe au manque de maturité. Tes mensonges ne passent pas, je sais que t'es de nature mytho. Tes mensonges ne passent pas, je sais que t'es de nature mytho. Tes mensonges ne passent pas, je sais que t'es de nature mytho. Tes mensonges ne passent pas, je sais que t'es de nature mytho. Donc vas-y, laisse béton, je préfère qu'on arrête de croire que le temps réglera nos problèmes, nos différends. Ouais, tirer là, ça fera nos jeux d'être. Je ne cherche pas à qui la faute. Je sais que l'on sait, l'amour ne suffit pas si on ne récolte que ce que l'on sait. Excuse-moi si je n'ai pas su te montrer mon amour, ou si au contraire je t'ai déçu. Entre toi et moi, on l'a vécu, on l'a vu. Ça ne marche pas, non. Excuse-moi si je n'ai pas su te montrer mon amour, ou si au contraire je t'ai déçu. Entre toi et moi, on l'a vécu, on l'a vu. Ça ne marche pas. Même sous tes peines, on fait pas. Pas la peine, dis-moi que ouais, mais moi. Pas la peine, rassure-moi. Pas la peine, dis-moi que la vie ou pas belle sans moi. Que sans moi, you pay pas. Et même sous tes peines, on fait pas. No baby, j'ai trop de sang. Gangsta Lova, volume D. My name is Lai One Gangale. Yeah, yeah, yeah, yeah. You know.